De retour à Futur Simple, sur les ondes de CKRL 89,1. J'ai avec moi Valérie Levé qui va nous amener dans la forêt boréale à la rencontre du caribou forestier. Alors Valérie, le caribou forestier est une espèce vulnérable au Québec. Il vit dans la forêt boréale. Mais cette même forêt est aussi le jardin de l'industrie forestière. Alors comment concilier les deux? Eh bien, on va d'abord commencer par faire une petite visite de la famille du caribou. On trouve le caribou en Amérique du Nord, on le connaît, il vit ici au Québec, mais il vit aussi dans le nord de l'Europe et de l'Asie. Alors en Amérique du Nord, en fait, il y a plusieurs sous-espèces. Le caribou des bois est celui qui vit le plus au sud, au Québec, au Canada, et c'est celui qu'on retrouve au Québec. Et pour compliquer la chose, parmi la sous-espèce du caribou des bois, il y a trois grands groupes. Il y a ceux qui vivent dans la toundra, ceux qui vivent en montagne et en Gaspésie, et ceux qui vivent dans la forêt. Donc, ce qui nous intéresse ce soir-là, c'est les caribous forestiers, qui sont donc un des trois grands groupes des caribous qui vivent au Québec. Et en fait, plus précisément, ce caribou forestier, il vit dans le nord de la forêt boréale, entre le 49e et le 55e parallèle. Donc ça, c'était un petit tour, présentation de la famille. Donc, il vit dans une zone exploitée par l'industrie forestière. Ben oui, effectivement, il vit dans là où se promènent les grosses machines pour couper les arbres. Donc ça fait pas forcément bon ménage. D'autant plus que le caribou, c'est pas un écureuil, il se contente pas de quelques arbres et de quelques cocottes. Son domaine vital est plutôt de 100 à 200 km². Donc ça lui prend quand même quelques arbres. Et au Canada, le caribou forestier a le statut d'espèce menacée. Au Québec, il a le statut d'espèce vulnérable depuis 2005. Et il y a plusieurs groupes environnementalistes ou de protection de la faune qui regrettent que peu de choses soient faites pour aider les populations de caribous forestiers au Québec. Mais est-ce qu'il y a moyen d'exploiter la forêt sans nuire aux caribous? C'est un peu le mandat de la chaire de recherche industrielle du CRSNG, Sylviculture et Faune à l'Université Laval. Et l'un de ses coordinateurs, c'est Daniel Fortin, qui est chercheur à l'Université Laval. Et il s'intéresse en particulier à la forêt boréale de l'est de la province, particulièrement là autour du réservoir Manicouagan. Premier élément, d'abord, même à l'intérieur de la forêt de la province, on parle de forêt boréale, mais la forêt boréale à l'ouest et à l'est, c'est pas la même chose. Il y a des différences. Ah bon? À l'ouest, c'est vrai, on a l'impression que c'est juste des épinettes c'est là, même, mais elles sont pas tout à fait pareilles. La différence, c'est que à l'ouest, la forêt brûle tous les 80 ans. Donc, elle a pas vraiment le temps de vieillir, de subir les aléas, dus aux infestations d'insectes, etc. Elle peut pas vraiment subir ces aléas pour la défigurer parce que les coupes forestières reviennent régulièrement. Parce qu'elles brûlent régulièrement. Donc, tous les âges ont le même âge et les forêts disent que c'est une forêt régulière. Par contre, si on va à l'est maintenant, il pleut un peu plus. Donc, il y a moins d'incendies. Donc, la forêt brûle en gros tous les 300 ans. Et pendant ces 300 ans, il peut se passer bien des choses pour donner à la forêt une structure irrégulière. Donc, il y a des arbres qui tombent, qui meurent et qui tombent. Il y a des arbres qui tombent à cause du vent. Il y a des arbres qui tombent parce qu'ils sont infestés par des populations d'insectes. Et ces arbres qui tombent ponctuellement, ça va faire des trouées dans la forêt. Et dans ces trouées, il va y avoir des jeunes arbres qui vont pousser. Donc, il y a des repousse de jeunes arbres entourés d'arbres plus vieux. Et à grande échelle, ça fait une forêt irrégulière, une mosaïque de peuplements d'arbres d'âge variable. Donc une forêt irrégulière à l'est. Et ça doit avoir des conséquences sur la faune et sur la façon d'exploiter la forêt? Ben oui, parce que ça a une importance sur la faune, parce que dans cette forêt irrégulière, chaque paquet d'arbres, en fait, si c'est des arbres jeunes ou des arbres âgés, c'est un habitat différent. Donc, il va y avoir des animaux, une faune différente. Par exemple, le lièvre, lui, préfère les arbres de 30 ans parce que ces arbres lui procurent de la nourriture et une protection contre les prédateurs. On tient les arbres dans une forêt aux arbres matures où il n'y a que des fûts, il n'a pas grand-chose comme petit taillis pour se cacher le petit lièvre. Par contre, lui, le caribou, il préfère les arbres matures parce que c'est sur ces vieux arbres que pousse le lichen. Donc, le caribou, lui, il n'ira pas fréquenter les jeunes arbres. Il va fréquenter les endroits où il y a des vieux arbres. Et puis, évidemment, ça a des conséquences sur l'industrie forestière. Quand l'industrie forestière passe, elle coupe quasiment tout et... contrairement aux incendies, elle n'attend pas 300 ans pour revenir. Donc, elle ne permet pas à la forêt de vieillir un peu de sa vieillesse naturelle et de retrouver sa structure irrégulière, puisque ça, elle revient, bon, je ne sais pas tous les combien d'années, mais en tout cas pas tous les 300 ans. Donc, la forêt, finalement, elle n'a pas sa structure. Elle ne peut pas réavoir sa structure irrégulière. Dans l'ouest de la province, c'est moins problématique parce que le cycle de feu et le cycle de coupe de l'industrie forestière se ressemblent. Donc, dans les deux cas, le feu ou la forêt, ça recrée une forêt régulière. Et la faune est adaptée à cette forêt régulière. Alors que dans l'Est, la faune est adaptée à une forêt irrégulière. Et l'industrie forestière ne permet pas à la forêt de se régénérer et de reprendre cette structure irrégulière. Donc, ça pose un peu de problème. Oui, mais est-ce qu'il y a une façon de revoir dans la façon dont peut exploiter la forêt à l'est de la province, en fait, éviter les coupes totales? Ben, ça revient effectivement un petit peu à ça. Faudrait, évidemment, dans un contexte d'industrie forestière en crise, on ne parle pas d'arrêter les coupes forestières. Le bois, ben, de toute façon, c'est la matière première du Québec. C'est une ressource naturelle, en plus renouvelable. Donc, on ne veut pas arrêter l'exploiter, mais il faut juste trouver un compromis entre les intérêts économiques et le maintien des populations de caribous, puis de la faune en général, de toute façon, c'est-à-dire de toute la biodiversité. Donc, au lieu de faire des coupes totales, il faut faire des coupes partielles. Et en fait, il existe déjà un plan caribou. Donc, ça consiste, dans un territoire donné, à organiser des régimes de coupes de manière à conserver des secteurs d'arbres d'âge variable, à s'assurer qu'il y ait toujours un secteur d'arbres assez vieux où pousse du lichen pour servir d'habitat aux caribous. Mais il faut aller un peu plus loin que ce plan caribou. Et ce que fait la chaire de recherche, c'est qu'ils étudient différentes sortes de coupes partielles, donc des coupes en bouquet, du jardinage, des coupes où on laisse en place des jeunes arbres, même si ils pourraient avoir une valeur marchande. Donc différentes façons de couper la forêt, et de façon un petit peu à essayer de régénérer, de reproduire la structure irrégulière de la forêt. Et puis ce que fait la chaire, donc, c'est qu'ils étudient l'impact de ces différents régimes de coupe sur la capacité de la forêt à se régénérer, à retrouver sa structure irrégulière. Et donc, puisqu'il y a une structure irrégulière, à maintenir la biodiversité. Donc, des vieux arbres pour les caribous, des jeunes arbres pour les lièvres et des ouvertures pour tous les autres animaux. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement suivre le caribou, mais aussi tous les autres animaux. Ben oui, c'est sûr qu'il faut suivre tous les autres animaux. Et c'est pas seulement toutes les autres espèces même qu'il faut vérifier, mais la proportion des différentes espèces, c'est ça, entre elles. Donc, par exemple, si on favorise le loup, si on favorise un régime forestier qui favorise les populations de loups, le loup, c'est un prédateur du caribou, donc le caribou va avoir un problème. Mais le loup fait aussi partie de l'écosystème. Donc, au prétexte de maintenir le caribou, il ne faut pas non plus menacer le loup. Donc, il faut trouver un régime forestier qui maintienne les différentes espèces animales, mais dans des proportions aussi où entre elles ne se nuisent pas non plus. Il faut maintenir un équilibre de tout ça. Donc, en fait, ce que fait la chaire de recherche, c'est qu'il pose des colliers émetteurs sur les gros mammifères, des bagues sur les petits rongeurs, des pièges d'insectes pour échantillonner les insectes. Ils écoutent aussi les oiseaux, tout ça pour faire finalement un inventaire de la faune en fonction du type de coupe forestière. Donc, dans un secteur donné, ils disent, bon, là, on fait du jardinage, là, on coupe de telle façon, là, on coupe encore de telle façon. Ils font ensuite un inventaire de la faune pour voir comment la faune reste en place ou pas selon le régime de coupe. Et puis, à moyen terme, en fait, bon, c'est un travail colossal, forcément, de suivre tous ces animaux. Et ce que la chaire veut faire, en fait, c'est démontrer que le caribou est une espèce parapluie. C'est-à-dire que si l'habitat du caribou est protégé, ça protège aussi l'habitat des autres espèces. Bon, donc, finalement, pour se simplifier un petit peu le travail, c'est un travail tellement colossal de suivre toutes les populations d'insectes, d'oiseaux, de petits rongeurs, etc. Donc, si ce qu'ils veulent veulent démontrer, c'est que le caribou est une espèce parapluie. Donc, quand un habitat est bon pour le caribou, en même temps, en réalité, il y a un maintien de la biodiversité en général dans les bonnes proportions. Dans un bon équilibre. C'est ça, dans un bon équilibre. Donc, c'est sûr que c'est un gros travail de suivi. Ça implique beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants et puis aussi des partenaires industriels parce qu'en bout de compte, au bout du compte, il y a quand même des forestiers qui... Il y a une forêt que les gens veulent exploiter. Alors, merci beaucoup Valérie Levé pour cette excellente chronique. Alors, nous allons passer au mot de la fin.